Vous êtes tous des pourris parce que personne ne veut croire que je suis un punk africain. Mais il y en a. La preuve, c'est que j'ai des ancêtres qui sont noirs. Ça se voit pas parce que je suis blanc. D'ailleurs, j'ai une chanson. Car mes ancêtres, ouais, peuple Zoulou. Les Zoulous, réveillez-vous. Ils ont profané la tombe de vos ancêtres. Ils vous ont parqué comme des bêtes. Peuple Zoulou, battez-vous. Planquez vos terres, peuple Zoulou, réveillez-vous. Vous avez toute l'Afrique à reconquérir. Il faut mettre la panique chez les Blancs et semer l'anarchie. Il faut mettre la panique chez les Blancs et semer l'anarchie. Peuple Zoulou, réveillez-vous. Peuple Zoulou, peuple Zoulou, m'entendez-vous? Peuple Zoulou, m'entendez-vous? Peuple Zoulou, la couleur noire n'est pas synonyme de la raison. Peuple Zoulou, battez-vous. Peuple Zoulou, réveillez-vous. Ils ont déterré les haches de guerre. Ils ont déterré les haches de terre. Peuple Zoulou, peuple Zoulou, peuple Zoulou, eux ils sont la bombe. Peuple Zoulou, il faut mettre la panique chez les Blancs et semer l'anarchie. Peuple Zoulou, il sera bien temps d'ensevelir vos morts. Peuple Zoulou, réveillez-vous. Ah, vraiment à chier cette chanson. Peuple Zoulou,